Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Véronique Mire est avec nous pour sa chronique du bureau de la réussite étudiante. Alexandra Carignan nous parle d'art et spectacle, de temps d'une culture. Et on continue notre série sur UQTR en spectacle avec Karina Tardy. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 18 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Hey, on s'est tiré. Hein? Pas facile. Non, non, non. Fait fred. Oui, encore. Ouais, on est original. Hein? Tout le monde le sait, il fait froid. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. On dirait que la bouche n'est pas encore tout à fait dégourdie. Alors. Ah, mais tu brosses les dents, des fois, c'est à cause de ça. Hein? Ben, je me suis brossé les dents, vraiment. Ah, okay. Tu me prends pour qui, là? Uh-huh. Hey! Donc, bonjour Jean-Philippe. Allô, comment ça va Mathieu? Très bien, t'as passé une belle fin de semaine. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, l'émission Véronique Mire, du bureau de la réussite étudiante. Mot qui est, c'est phrase difficile à dire. Bureau de la réussite étudiante. Mais c'est pas si dur réussir. Non, ben je suis pas avec Véronique Mire. Mais non, c'est ça. Mais oui. T'as vu mes liens. C'est réussi. Elle va être là à 8h avec nous. On a aussi Alexandra Carignan qui va venir pour sa chronique art et spectacle. On sait jamais de quoi elle nous parle d'avance, mais des fois, il y a de l'improvisation, du théâtre, de la musique, ça peut être n'importe quoi. UQTR en spectacle, ça aussi, ça va être à 8h. Les chroniques de 8h pour les deux prochaines semaines vont être décalées un petit peu, là, à peine, pour recevoir Karina Tardy et un autre participant de UQTR en spectacle. Et cette fois-ci, on va recevoir Simon Murray qui fait de la musique. Pas pire, ça. C'est à 8h. En tout début d'émission, il y aura à 7h30 la chronique de Simon Fitzbé, mais par contre, Simon Fitzbé n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, il m'a envoyé des pièces et un texte. Il est avec nous dans notre cœur. Ah, d'esprit et de cœur. Ben oui. Et oui. Et oui. C'est comme la Sainte Trinité, là. On bougera un petit peu la chaise pendant que sa chronique parle. Sa chronique parle. Hey, c'est sa chronique qui parle. C'est même plus. Hein? Wow. C'est trop songé pour moi, ça, la matin. Moi aussi. Super. Et puis, on va faire une petite chronique maison, c'est un fait, tout à l'heure. Ça, j'aime ça. Bon, ben c'est réglé, ça, c'est l'émission d'aujourd'hui, c'est bien simple. Et tu sais, on se complique pas la vie trop. On débute avec de la musique calme, en plus. Pourquoi stresser dès le début de la journée? Garfield aime pas les lundis. Nous, on aime ça. J'achète de la lasagne pour moi. Oh! Oh! J'ai une tranche de quelque chose. Une pointe d'ironie. Ouais, faisons ça. Oui. Là, je crois. Oui. C'est OK. Je vais te comprendre un message ici. Hôtellement fait avec des histoires de fantômes à Assemblage Rocky. Et maintenant, ben, c'est le moment d'apprendre des choses dans l'émission éducative, la portion éducation d'émission, là. Hein? Oui. Pour garder notre émission au CRTC, là, un truc, là. Mm-hmm. Hein? Voici, c'est un fait. Aujourd'hui, Jean-Philippe, je pense qu'on va se comprendre parce qu'on est pas mal fatigués tous les deux. Puis l'émission, tu sais, hein, matin. Hein? Non, on n'a pas allumé de lumière dans le studio. Non, c'est ça. Pourquoi qu'on anime dans le noir déjà? Oui. Qui parle? Juste un spotlight dans ta face. Donc, commençons avec la zérostomie. C'est un terme médical pour quand t'as la bouche sèche, la zérostomie. Ah, comme on dirait que je l'ai en ce moment. Ça fait tout le temps un beau bruit, ça. Tu sais, ça se bloque bien. Là. Ah, j'allais à l'abreuvoir, je pense que je souffre de zérostomie. Hey. En 2010, la compagnie Sweetheart, tu connais les petits bonbons qui ont des mots d'amour dessus, là, tu sais, genre je t'aime, tu sais, des petits bonbons. Genre. Comme les kits. Pas les kiss, là. Non, pas les kiss. Non, ça ressemble à une craie quasiment, ce bonbon-là. En petite poudre colorée. En tout cas, bref. Les petits cœurs Sweethearts, ils ont ajouté un Tweet Me, un bonbon Tweet Me pour la Saint-Valentin en 2010. Donc maintenant, tu peux avoir des petits cœurs qui disent « Tweet-moi ». Oh. C'est cute. En 1985, la NBA a forcé Michael Jordan à payer 5 000 $ par partie parce qu'il portait des souliers Air Jordan qui étaient bannis. Et puis, la compagnie qui est derrière Air Jordan, ben dans le fond, paye la facture à chaque match pour qu'il continue de les porter. Ah, ça, c'est comme Simons qui paye pour pas ouvrir jusqu'à 9 h. Ah, c'est vrai. C'est quoi l'histoire de ça, c'est-à-dire? En fait, je sais pas si c'est comme ça partout, mais dans mon coin, Saint-Bruno, ouais. De Montarville, Rive-Sud de Montréal, ouais. Le centre d'achat maintenant, ben le promenade de Saint-Bruno, ouais. Dans le fond, qui regroupe des magasins, c'est ouvert jusqu'à 9 h. Mm-hmm. Mais Simons a fait non, pas nous. Ah, non. Nous, on ferme à 6 h, OK? Aïe. Mais ils payent une amende à chaque jour parce que c'est ça. Parce que le centre d'achat du. Le centre d'achat, okay. Ça leur donne une amende à chaque jour. Intéressant. Si ça vaut la peine pour eux là, de payer 3 h de salaire de moins. Ben oui. Finalement, ouais. Pour le peu de gens qui magasinent, j'imagine. J'imagine. Pourtant, Simons, il pourrait faire la pièce s'il ouvrait jusqu'à demain. Il y a 100 milliards de galaxies, chacune avec 100 milliards d'étoiles. Et il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sel, de sable sur Terre. J'ai sorti ma calculatrice. Tu y allais vite. C'est ça, c'est un peu trop compliqué. On revient à la Saint-Valentin. 85% des cartes de Saint-Valentin sont achetées par des femmes. Mais les hommes dépensent 2 fois plus d'argent à la Saint-Valentin que les femmes. Les hommes dépensent plus que les femmes, mais 85% des cartes sont achetées par des femmes. Mmh. Bizarre quand même. Ouais, ben là, c'est pas si cher une carte. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ils disent que c'est assez. Ouais. Ben, tu peux prendre une feuille de papier, la plier en deux, puis la faire homemade. Oh, fait à la main avec amour! Oscar Swan, est-ce que tu connais Oscar Swan? Non. Non, c'est la personne la plus vieille, en fait, le gars le plus vieux. Oui, ben, en fait, c'est la personne. Donc, allons-y pas par sexe, c'est la personne, OK, la plus vieille qui a gagné une médaille olympique. C'est un Suédois et il a gagné la médaille d'argent pour le tir en 1920. Poche. C'est de la poche. Ah! Ça, c'est la gravité qui gagnerait, je pense, qui attire la poche vers le sol. Donc, en 1920, il avait 72 ans. Je la trouve tellement drôle. Très drôle. Je suis un bon public pour moi-même. Bravo. Merci. La NFL estime qu'il y a plus de 100 enfants qui sont conçus à chaque année à des tailgate parties dans le stationnement du Super Bowl. Oh! 100 enfants. Des enfants d'amour. Ah, oui. Depuis 1896, le début des Olympiques modernes, seulement la Grèce et l'Australie ont participé à chaque jeu aux Olympiques. Mm-hmm. Deux pays. Eh ben. Le trophée continue, okay, au sport. Le trophée continue qui a été gagné par le même pays. C'est America's Cup. Ça a commencé en 1851 et les Américains l'ont gagné pendant 132 années de suite. America's Cup. Et je cherche pour voir le sport là, tellement que je connais rien. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi? Non, pour de vrai, c'est la première fois que j'entends ça. Mais il y avait quelqu'un d'autre que les États-Unis? Je sais pas. Tu sais, avec un nom de même. Est-ce que je vois des gens à vélo, quelque chose comme ça? Ça se peut-tu? Red Bull Youth America's Cup. Oh. Ah, les gars. En tout cas, en parlant de Red Bull... J'en aurais vraiment besoin maintenant. Il y a des bateaux. C'est une affaire de bateau. C'est une affaire de bateau. Mais il était debout, puis le texte cachait sur quoi il était. Bref. En 1898, une des premières émissions à avoir été diffusée à la radio, c'était une course de yacht qui se passait dans les eaux britanniques. Course de yacht 1898. À chaque année, la production de chocolat baisse alors que la consommation augmente, ce qui fait que bientôt, on nous dit que le chocolat va devenir rare et aussi cher que le caviar. Non. Tu m'annonces pas ça à matin, là. De toute façon, peu importe le prix que ça va coûter, on en achète pareil, là. Ben oui. C'est comme les cigarettes, t'as beau monter le prix, les gens vont en acheter pareil. Mm-hmm. T'as beau les cacher. Ben. le soda Fanta, est-ce que t'as déjà goûté au soda Fanta? Non, c'est pas très bon. Moi, je trouve ça vraiment beaucoup trop sucré et dégueulasse. Bref, ça a été inventé par les nazis. Ils avaient de la difficulté à importer le Coca-Cola, le sirop du Coca-Cola. Et donc, ils ont inventé le Fanta à la place. Ils sont allés vraiment sucrés. Ils s'en vendent pas, hein? Eh non. La première nourriture sur le menu de McDonald's, en fait, c'était pas des hamburgers, c'était des hot dogs. Ah! Moi, ça, je savais pas disparu. Ça. Ils ont disparu. C'est comme la pizza, c'est comme toutes les affaires que McDo a... Mais la pizza, je savais qu'elle avait disparu, mais les hot dogs, je ne savais pas qu'ils avaient été même essayés. Mm-mm-mm. Et je me suis rendu compte très récemment qu'il y avait des hot dogs chez IW. Le Whistle Dog, je ne savais pas ça. Oh. J'ai jamais vu personne prendre un Whistle Dog chez IW, mais tant mieux. 13 personnes sont toujours vivantes, d'accord? Des personnes qui sont nées au 19e siècle. Ah. 13 personnes qui sont nées dans les années 1800. Sûrement 1899. Oui, c'est ça. Ouais, quand même. Borderline. En décembre. Oui, c'est le 31 décembre. En produisant Toy Story, Pixar a eu l'idée de Finding Nemo, Monsters Inc., Bugs Life et Wall-E lors d'une pause de dîner, et la même pause de dîner pendant la création de Toy Story. Wow. C'est des gens créatifs. Ben, ça, c'était productif cette journée-là. Bravo. Le lait congelé sur un bâton, c'est une collation populaire en Sibérie. Du lait glacé. Oh. Je sais pas, il va peut-être se rafraîchir en Sibérie, hein, sûrement. Si tu mâches des feuilles de laitue, en fait, on dit de cabbage. Cabbage, c'est du chou, ça, ouais, ça. Si vous mâchez une feuille de chou correctement, vous allez perdre plus d'énergie que ce que vous allez gagner en la mangeant. Mais il faut la mâcher correctement. Correctement. Je sais pas si c'est de passer d'un bord à l'autre de la bouche, mais en tout cas. Pour s'empêcher de tomber enceinte, les femmes égyptiennes, dans le temps, inséraient des pierres dans leur swing, swing. Avant les relations sexuelles. Nous autres, il y avait du sable dans le... Mm-hmm. Une femme nommée Jean Curtis d'Écosse a demandé le divorce en 2002 après avoir surpris son mari en train d'avoir des relations avec un poulet congelé. Fourré à dinde! C'est pas des farces? On fait des jeux de mots de dinde, c'est un poulet. Ouais, mais c'est pas des farces, c'est bon aussi. Merci. Farce. Ouais. Mais on peut-tu faire une farce au poulet? Oui. C'est une fois un poulet qui rentre dans un bar, le bar s'éteint, se rentre dans le mur. Là. Dans la police. Boum, deux ailes. Oh, deux ailes. Si tu lèches le coude de quelqu'un, OK, pendant qu'ils ne s'en rendent pas compte, qu'ils sont en train de regarder ailleurs, ben, ils se sentiront pas. Faut que tu sois au courant de ton coude pour sentir le léchage. Tout à coup, tu me verras plus, là, je vais être en dessous de la table, puis j'essaie d'atteindre ton coude. Là. On l'essaye. Je trouve ça fascinant. Il y a des centaines d'années, les gens allaient se coucher très, très tôt. Ensuite, ils se réveillaient pendant à peu près une heure dans le milieu de la nuit, faisaient plusieurs affaires, et après ça, ils avaient une deuxième nuit de sommeil. Ah. Mais tu sais, dans ce temps-là, pas d'électricité, etc., je sais pas trop. Par plein d'affaires, ils faisaient pipi, puis ils prenaient un verre d'eau, genre. Peut-être, je sais pas. Puis comme les toilettes étaient dehors, ben ils prenaient une marche. Ah! Puis là, ça les réveillait, puis ils étaient plus capables de s'endormir. Ouais, puis là, il faisait froid, là, fait qu'ils faisaient un feu pour se réchauffer. Mais ouf. Ah, je suis tellement terre à terre. Je suis plate. Terrazzo. Non, imagine si j'ai froid au pied en allant à la salle de bain, puis c'est des tuiles, là, imagine, quand tu vas dehors, là. Hein? Ouais. Puis il fait moins 40. C'est ça. C'est froid aussi pour le zouizoui. Le zouiki! tout le monde a des bandes sur son corps qu'on appelle des Blaschko's lines, qui sont seulement visibles sous la lumière ultraviolette. Moi, tu vois, je savais pas ça et j'ai jamais essayé et j'ai des doutes, mais en tout cas, si dit que ça existe, une lumière ultraviolette, c'est rare qu'on est tout nu en avant de ça. D'habitude, on porte des vêtements. Oui, d'habitude, c'est quand sur une scène de crime pour voir si t'as pas été. Spermé dessus, c'est ça. Il y a des photos sur Google Images, ça vous tente d'aller voir Blaschko's Line. B-L-A-S-C-H-K-O. Voilà. Et on voit des photos de qu'est-ce que ça a l'air. C'est pas plaisant à voir. Ouais, une chance qu'on voit pas ça naturellement. Un moustique a plus de chance, a plus tendance à mordre une blonde qu'une brunette. Et il préfère les gens de dimension un petit peu plus dimensionnée, tu sais. Mm-hmm. Les femmes enceintes et les personnes qui suent beaucoup. Ah! Les moustiques. Ça, ouais. C'est un phénomène qui me surprend tellement. C'est sélectif. Et toi, tu te fais-tu piquer par les moustiques? Ouais. Pas moi. Non. C'est incroyable. Ben voyons. On pourrait être ensemble dans un champ de moustiques, puis je serais piqué une fois. Pour vrai. Non, je suis très facile à piquer. Apparemment, j'ai la peau. Ah ouais? Facile à piquer. Bon. Ça veut absolument rien dire, puis je sais même pas si c'est vrai. À chaque seconde, 3 000 $ est dépensé en pornographie sur Internet. Chaque seconde. À chaque seconde, 3 000 $. J'ai tellement raté ma vocation. T'aurais pu devenir quelque chose. Hein? Oui. Mais qu'es-tu devenu? Jean-Philippe. La radio a fait de moi un monstre. Oh. Ben tiens, je vais te récompenser comme un petit chien auquel je lancerai mon bâton. Oh. Et en même temps, c'est un jeu de mots de sexe parce que ça s'appelle The Sticks, puis un bâton, c'est un bâton. C'est un bâton. Voici Mother Mother The Sticks. Et puis on revient avec un petit peu d'autres faits. Hein. Oh, ouais. Surtout sur les animaux, technologie, jeux vidéo. Mm-hmm. Seulement sur tout. C'est la vie, ça, hein? Ça résume tout. Oui. Pièce de Sticks, c'est la pièce de l'album de Sticks, hein? Ben oui. Tu sais, à un moment donné, on comprend, là. Hein? À brûle pour point. Oui. C'est toujours, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on continue avec un petit bloc sur les animaux. Animaux. L'insecte qui s'appelle The Assassin Bug. OK? Assassin Bug, c'est une sorte d'insecte qui va porter le corps de sa victime comme armure. Donc, il va tuer, puis il va porter. Pour se défendre. Il écoutait trop James Bond. Ça se peut. L'escargot va s'accoupler seulement une fois dans sa vie. Mais quand il s'accouple, ça peut prendre jusqu'à 12 heures pour consommer la relation. Wow! Mon héros! Ouais. Mais une fois, tu choisis ta shot. C'est ça. Mais c'est une fois très, très lente. Oui, c'est un ça. Escargot. Trois allers-retours ont été faits durant ces 12 heures. La fourrure du binturong, qui est une sorte de chat, en fait, ils disent Asian bear cat, c'est comme un chat ours asiatique. Hey, donc on en a trois, là. C'est la... Je sais pas si tu te souviens. Décide-toi. On se demandait c'était quoi les sortes de chats la semaine passée. Mm-hmm. On avait le persan. Le Maine Coon. Puis l'Asian bear cat. Voilà. Donc sa fourrure au binturong, ça sent le popcorn. L'odeur viendrait d'une glande située près de la queue. Ça sent le popping corn. Fucking popping corn. Popping corn. Voyons. Aïe, aïe. Je suis pas super content que ça se retrouve dans ce coin-là, l'odeur du popcorn. Est-ce que c'est pas une moufette, mais si ça avait été une moufette, ça aurait sprayé du beurre pas mal, ça. Ouais. On a parlé la semaine passée à Assemblage Requis. Je sais pas si c'était en onde, en fait. Je dis ça, puis je me rappelle même pas. Mais bref, on a parlé de Mary-Kate Olsen. En onde? En tout cas, bref. Non, Mary-Kate je pense que c'était hors d'onde. Mary-Kate Olsen, des jumelles Olsen, Mary-Kate Ashley Olsen. Son copain a 16 ans de plus qu'elle. On cherchait son âge, mais il a 16 ans de plus qu'elle. Elle qui a genre 20 ans, Mary-Kate Olsen, attends un peu. Qui a la shape d'une fille de 6 ans. Arrête. Elle a 26 ans, donc combien j'avais dit de plus? 26 plus 16. Jean-Philippe, 26 plus 10, ça fait 36 plus 6, ça 32. Fait... 32. 42. 42. 42. 41. Ouais. Ah, pourquoi je me fais faire des masses dans cette chronique-là? Je ne sais pas. À l'heure de sa mort... on estimait qu'il y avait 48 imitateurs d'Elvis dans le monde. 48. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a 35 000. Un petit jump après la mort, là. Il y en a 30 000 à Vegas. Puis font le mariage. Frank Sinatra a une provision qu'on appelle dans son testament qui fait que si quelqu'un conteste son testament, ils sont automatiquement déshérités. Si t'oses dire quelque chose contre le testament, ben mange, tu sais. Oui, mais... Ah, fini. Je sais pas à quel niveau qu'il faut se battre, là, mais... Google, après avoir reçu 25 millions de dollars de venture capitalists, des investisseurs finalement, ils ont tenu leur première réunion autour d'une table de ping-pong. Ping-pong, est-ce que j'avais déjà fait celui-là? Ça se peut. Moi, ça me dit rien. Bon. LinkedIn, tu connais LinkedIn, le réseau social pour, entre autres, trouver un nouvel emploi, mais ils veulent que ce soit de plus en plus un réseau social at large. Mais LinkedIn a deux nouveaux membres par seconde. Tu vois, moi, je trouve que LinkedIn fonctionnerait encore mieux au Québec si ça s'appelait juste LinkedIn. Ouais, parce que personne n'arrivait à le prononcer. Non, c'est ça. LinkedIn, LinkedIn. Ah oui, j'avais jamais entendu cette variation-là, mais bon. LinkedIn, prononcez-le comme si tin, il y avait tin dedans. C'est LinkedIn. Tin. Bon. Puis ça prend le coup de tête, parce que je me suis rendu compte qu'on... C'est vrai, hein? Ouais. C'est comme du métal. Tin, tin, tin, tin. Là, celui-là, là, je le lis, mais tu sais, c'est des faits qu'on trouve sur Internet, donc des fois, ça manque un petit peu de faits historiques derrière, ouais. d'explications. Mais le bruit de cliquement de la scroll bar dans la souris Apple Mighty Mouse. Je sais pas si tu te rappelles, Apple a fabriqué une souris avec fil, avec un petit genre de point G, là, ouais. Que tu pouvais... tout le monde appelait ça le... vous savez quoi? Mais pas comme une roulette de PC, mais c'était juste une petite boule vraiment miniature, c'est comme une bille. Ah, comme le BlackBerry. Comme le BlackBerry, à peu près. Donc, c'est ça, la petite boule, là, quand tu cliquais dessus, là, le bruit n'était pas généré par la souris mécaniquement, mais c'était généré par un haut-parleur à l'intérieur de la souris. Qui disent... J'aimerais ça être sûr de ça. Ouais. Mais bon, je vais enquêter. C'est une fakeuse. C'est comme une vraie bille de fille. Ouais. Samsung. C'est un haut-parleur. Ah, c'est ça. Ah! Dans chaque fille. Ouais, il y a un petit haut-parleur. Samsung a débuté en 1938. C'est une petite compagnie qui, en fait, échangeait. C'était une trading company. Trading company, importation, exportation. Bref, c'était des produits d'épicerie et des nouilles qui faisaient transaction avec ça. Bref, Samsung. C'était des nouilles... qui les faisait ou ils... Je pense que c'est qu'ils les vendaient et les achetaient. OK, trading, c'était pas les gens, là. Trading company. Les gens qui travaillaient pour eux autres, c'était des c'était nouilles. C'était des nouilles. YouTube a débuté en tant que site de dating influencé par hotornot.com. Donc, ça venait à la base de hotornot.com. Bref, je savais pas ça. Étrange comment je savais pas ça, bizarre. Ouais, ça est fou comment ça a changé. Vraiment. Quoique... tu peux encore trouver ça en masse, là. Oui, c'est vrai. Une date sur YouTube. 97% des fans de la page Facebook de Pinterest. Pinterest est un réseau social et ils ont leur page sur Facebook. OK. Donc, 97% des femmes sont des fans. Sont des fans. Mais. C'est très féminin, là. Très féminin, Pinterest. Moi, je suis allé quelques fois, puis c'était pas pour moi. Moi, ça me rejoint pas. Non, juste voir des photos de souliers, puis une coupe de cheveux. Ouais. Mais il y a plein d'affaires geeks, puis plein d'affaires d'ordi là-dedans aussi, c'est sûr. Mais c'est surtout. J'attaque quelqu'un les posts sur Facebook. Ben oui. Bon. Comme je fais avec Twitter, normalement, maintenant, je vais plus sur Twitter que sur Facebook, parce que Facebook, c'est les mêmes affaires que sur Twitter, pareil, puis je trouve ça plus intéressant sur Twitter. Mmh. 3 sauf millions le dimanche soir. Excuse-moi. La voix. Hein? Aïe, aïe. Il est maudit. Moi, je sais pas si t'as l'application TweetDeck. Oui, mais je m'en sers pas. Non, pourquoi? Okay, ben j'ai pris. Moi, j'ai TweetDeck, puis ça fait un petit bruit de sous-marin quand je reçois. Tu fais. Puis le dimanche soir, là, des fois, je le laisse ouvert par mes gardes. Puis c'est incroyable, là, c'est aux secondes. Là. Puis tu sais, je suis pas genre 1 milliard de personnes. Ouais. On avait un souper de famille hier, et puis c'était la voix qui jouait derrière. Puis quand même, que des fois, c'est pénible. Hein? Mais bon. Fait que ouais. Toi, tu faisais juste recevoir les messages, puis c'était déjà assez. Ça t'a pas donné envie de synthétiser TVA? Ah, ben, t'as pas besoin. Tu regardes les tweets. C'est en temps réel. Puis là, genre, tu ça fait un 3D dans ta tête, là, puis là, tu comprends tout ce qui se passe. Je suis triste que ce soit aussi populaire. 3 millions de nouveaux blogs sont en ligne à chaque mois. 3 millions. On y va avec un petit blog de jeux vidéo pour terminer maintenant. Pendant le développement du personnage de Old Snake. Dans le jeu vidéo. Hideo Kojima, c'est dans le jeu Metal Gear Solid 4, juste pour ceux qui suivent pas. Parce que moi-même, je n'étais plus sûr. Hideo Kojima et son équipe ont fait beaucoup de recherches. Ils ont essayé de trouver la forme de moustache parfaite pour Old Snake. Ils ont choisi Lee Van Cleef et sa moustache dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, The Good, the Bad and the Ugly. Et donc, après ça, depuis Metal Gear Solid 2, l'équipe a joué avec l'idée que les poils de la face de Snake pourrait pousser en temps réel dans le jeu. Oh. Mais je pense pas que ce soit dans le jeu, mais ils essayent de le faire pour que peut-être un jour, tu vas pouvoir commencer avec une petite moustache pas longue, puis à la fin du jeu... Quelle expérience. Un ZZ Top, exactement. Ça va être beau. Un Zwicky Top. Zwicky Top. Là, on plug le nom d'Alexandre Laramie Zwicky pour aucune raison. C'est vrai. Mais bon. Un jour, on va recevoir une plainte. Il y a une moustache de taillé dans le chest, ouais, je pense. En forme de... De poisson. De poisson, oui. Ben, dans le calendrier de la huître, c'est un poisson qui s'est taillé dans la, sur le chest. Il avait déjà fait, quand on était coloc, il s'est fait un Z. Ah ouais, pour Zwicky. Ben oui. Ben. Super Zwicky. Super Zwicky. Ben c'est Super Zwicky. Ah super, j'aime ça. Dans la version japonaise de Battle Mania qu'on connaît aux États-Unis sous le nom de Troubleshooter, un jeu de Vic Tokai, si tu tiens le bouton C de la télécommande, parce que c'était sur la manette de la Sega Genesis qui avait un C, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc si tu tiens le bouton C de la télécommande en même temps que le jeu démarre, ça va afficher le personnage du jeu en train de piler vraiment fort sur une Super Famicom qui est la version japonaise d'une Super Nintendo. Apparemment, les développeurs étaient des fans de Sega et ça leur dérangeait dans le fond que les fonds pour le jeu aient été envoyés à la version à d'autres jeux sur Nintendo. Ils ont donc décidé de prendre leur revanche en cachant ça dans le jeu, en parlant contre Nintendo. Bah, c'est bébé, mais bon. Ben c'est funny. C'est très funny. C'est funny. Je vais même poster sur assemblagerequis.com la vidéo du jeu directement. La secret intro, c'est sur YouTube. C'est cute! Bon, en tout cas, je vous la montre en ce moment, puis vous riez peut-être pas parce que vous la voyez pas, là. Mais bon. Le jeu d'aventure de Dig, à l'origine, était supposé être un épisode de la série télé de Steven Spielberg, Amazing Stories. Spielberg a décidé de ne pas faire un épisode et à la place a approché LucasArts pour faire un jeu vidéo. La première rencontre des développeurs avait lieu à 17h le mardi 17 octobre 1989. Wow, hein, c'est précis. Toute l'équipe de Lucasfilm Games Creative sont allées. Et un petit peu après le début de la réunion, la pièce a commencé à trembler. En fait, c'était un tremblement de terre à San Francisco, le gros tremblement de terre de 1989. Certains développeurs ont dit que c'était presque un omen, comment t'appelles ça, quelque chose qui est supposé de faire un signe que ça devrait pas le faire. Bref, ça leur a pris finalement au-dessus de six ans pour terminer le jeu. Mais ils l'ont terminé quand même malgré le tremblement de terre. Savais-tu que les noms des compagnies Capcom et Sega sont des acronymes, en fait des abréviations, faudrait être plus exact. Donc les deux noms sont des abréviations. Le mot Sega a été créé en prenant les deux premières lettres de chaque mot dans Service Games, qui était le premier nom de Sega, Service Games. Oh. Et Capcom, c'est les trois premières lettres de chaque mot dans Capsule Computers, qui vient de Japan Capsule Computer Company. Ah ben! Ça, je savais pas. Non, moi non plus, puis je trouve ça intéressant. Moi aussi. Et finalement, tu sais, dans Borderlands, dans les publicités, on disait qu'il y avait 87 bazillions de fusils. Là. C'était un chiffre inventé, évidemment, bazillion. alors que le vrai nombre de fusils dans Borderlands est 16 164 886. C'est proche d'un bazillion. tout cas, on s'est fait dire. Tu l'arrondis. C'est assez précis. Voilà pour la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. Au retour de la pause, la chronique de Simon Fitzbé. Ben oui. Sans Simon Fitzbé. Ouais. C'est la chronique de lui sans lui. On l'imaginera. On va faire des dessins. Oui. En même temps, on va laisser une barbe. Oui. Puis des cheveux. Puis un nez. Noble pistache, fleur de fruits. Ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre fleur atomique sans cesse s'incruste sur mes disques durs. M'oublies-tu sur tes disques durs? M'oublies-tu? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Artefacts, pelure de linge, et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage ne vole jamais, je ne vais l'oublier. Retour à la chronique musicale de Simon Fitzbé. Assemblage Ruki. Assemblage Ruki pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage Ruki est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Ruki jusqu'à 9h. Les 7h40, Jean-Philippe Charbonneau est toujours là. Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Simon Fitzbé, par contre, n'est pas là. Mais il est là avec nous. Oh! Pareil. C'est comme bizarre. Est-ce que tu vas l'imiter? Est-ce que tu serais capable? Peut-être. Je te parle l'intro. Et c'est la chronique musicale de Simon Fitzbé. J'essaierai même pas moi de l'imiter. Toi, tu veux essayer? Non, ben c'est non. Ça, c'est dur, pas de texte. Donc aujourd'hui, dans sa chronique, on parle de Mac DeMarco et de Painted Zero. Donc Mac DeMarco, c'est une superbe découverte que Simon a eu la chance de faire en début d'année, quoique l'album soit paru à la fin de l'année 2012. Il s'agit d'un Albertain en exil dans le Midland qui a réussi à rayonner partout sur la planète avec son nouvel album intitulé Too. Du prestigieux NME au tout aussi prestigieux Pitchfork, il se dresse comme nouveau porte-étendard de la scène montréalaise. Ce slacker à l'hygiène discutable nous offre une musique lo-fi impeccable avec des guitares sales et omniprésentes. Tantôt folk, tantôt surf, le jeune présente une variété appréciable sur ce second effort. On remarque surtout le son des guitares très distinctif, toujours en mode solo accompagnant la mélodie. DeMarco exploite des thèmes comme l'amour, son enfance, ses conquêtes, ainsi que sa dévotion pour les cigarettes Viceroy. Viceroy, j'ai aucune idée comment on dit ça. DeMarco fait ressortir le jeune pas propre en nous qui vit les débuts de sa vingtaine, qui boit et qui fume sans lendemain. Je pense que peut-être que Simon parle d'expérience, je sais pas. On ressent encore une pointe de jeune blanc-bec dans cet album, mais on se rend compte que la maturité qu'il semble développer, vers la fin du disque. Donc, un jeune à surveiller, une attitude à encourager et une créativité rafraîchissante pour la scène de l'indépendante montréalaise qui commence à se complaire petit à petit, dit Simon. C'est un retour aux sources fort apprécié. Voilà. J'ai mal lu, hein? Je me suis enfargé une couple de fois, mais quand même. Oh, juste deux fois, c'est pas super. Ouais, c'est bien. On va écouter. Compteur. Clic, clic, oui, clic, clic. On va aller écouter une pièce de Mac DeMarco à l'instant. Elle s'appelle Freaking Out the Neighborhood et on revient après pour parler de Painted Zero. Ben, c'est pas propre, ça. C'est pas propre. Marco et la pièce Freaking Out the Neighborhood dans les nouveautés musicales de Simon Fitzbay. Et c'est toujours moi qui l'imite aujourd'hui parce que Simon n'est pas avec nous. Non. Mais sa chronique est là. Et là, puis il passe de la bonne musique, c'était très ensoleillé. Oui, c'est ce qu'on se disait hors d'onde. Tu voulais dire que c'était de la musique de plage? Ben, ensoleillé était plus le terme exact que de plage. Bon. Je trouvais que c'est le fun, ça réchauffait le cœur. Exactement. Mac DeMarco, c'est un Albertain maintenant à Montréal dans le Mile-End ou le Mill-End. Il y a un nom très cool. Mac DeMarco? C'est très cool. c'est trendy d'avoir un nom avec deux lettres de même. Mac DeMarco. Maintenant, on parle de Painted Zero et leur album Callback. Autre découverte intéressante que Simon doit au blog A New Band Day. Painted Zero est un groupe de New York avec ses accents associables au son de Brooklyn. Une musique qui fait rapidement penser à Arcade Fire, entre autres. à une musique complexe sans trop de tralala, avec beaucoup d'écho et de reverb à la limite de la dream pop. On apprécie, on découvre tranquillement par un maxi disponible sur Bandcamp, et ce gratuitement, donc on en profite. C'est Painted Zero qu'on vous fait entendre à l'instant, et voici l'extrait Callback, c'est la pièce titre. Assemblage requis, c'est la chronique musicale de Simon Fitzbay. Callback de Painted Zero, assemblage requis dans la chronique musicale de Simon Fitzbay. Avant ça, on avait entendu plutôt Freaking Out the Neighborhood sur l'album 2 de Mac DeMarco. C'est ce que vous avez à retenir si vous avez apprécié la chronique de Simon aujourd'hui. Ouais, moi, j'aimais ça. Moi aussi. Mais ouais, vas-y. Non, je te laisse parler en premier. Ah, ben, on trouvait Callback, il a la même voix qu'MGMT. Vrai. Et ça nous a donné envie d'écouter du MGMT tantôt. On est coquins. Mais avant ça, Plugging Time, même si Simon n'est pas là, je vais faire ses plugs pour lui. Donc, il anime Album Classique tous les vendredis matin à 10h, une émission où on écoute un album vinyle au complet, comme l'artiste voulait que ça joue. Ouais. C'est ça? Mais dis mieux. Dans l'ordre. Ensuite, la chronique Les Éphémérides du Rock dans Rock Classique avec Alain Lefebvre. C'est vendredi entre 11h et 17h. En fait, c'est en début d'émission. Et ça rejoue les mardis à 13h. Sinon, on le retrouve tous les lundis à 7h30 à Assemblage Rock avec sa chronique musicale qu'on devrait y trouver un nom à un moment donné. Tu sais, sa chronique éditoriale, je lui avais trouvé moi-même le nom « Simon Lumeur vous déplaît ». Je trouvais que c'était bien, hein? C'était pas si mal que ça, il a aimé ça. Là, qu'est-ce qu'on pourrait dire « Simon goût musical »?« Simon mélodie si... ». Ben, il faut qu'il y ait Simon dedans. Simon orchestre symphone. Simon beat te rentre dans la tête. Ouais, c'est ça. Simon... Ben là, c'est toutes les Simons. Simon beat, j'aime ça. Simon beat, hein? Simon beat, te plaît. Ah, oh, c'est pas pire. On va y anglais ça un mot. Simon beat, te plaît. Sûrement qu'il nous écoute, il est super pas en forme en ce moment, Simon Fitzbé, donc on lui souhaite un bon établissement et on le retrouve lundi prochain. On va aller entendre du MGMT tout de suite, tiens, pourquoi pas. Ah, oh, ok, on fait ça. On ne se retient pas. On s'en va entendre une pièce de l'album Oracular Spectacular. Est-ce que t'as envie d'entendre... est-ce que t'avais une pièce précise, toi, ou... Non. D'accord. Je suis la 3, s'il faut que je choisisse. Mais tu me connais sur la numéro 3. peut-être... Ok, on va se risquer sur la 3. Ok, The Youth. Faisons ça. MGMT. Assemblage requis sur C'est Fou! This is a call at arms to live and love and sleep together. Out. C'est bien tombé, finalement. Ben, finalement, on est chanceux. Parce que des fois, c'est risqué, là, notre affaire. Ben, c'est de ta faute. On connaissait la chanson. Ouais. MGMT avec la pièce The Youth. Ah, c'était bon. C'était bon. Ça va être la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec, entre autres, la chronique de Véronique Mire du Bureau de la réussite étudiante. On a aussi Alexandra Carignan, le temps de la culture. Alors, on va parler du QTR en spectacle avec Carina Tardy et un autre participant, Simon Murray, qui fait de la musique. Hein? Bon, ben, c'est tantôt, ça. Pour l'instant, devine qu'est-ce qu'on écoute. Faut qu'on plus. Bravo! C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 18 février 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Les Mathieu Plante. Oh yeah! Jean-Philippe Charbonneau, yeah! Yeah! Yeah! toujours avec, en fait, elle est de retour pour une deuxième semaine de trois, Carina Tardy. Bon matin! Salut, ça va bien? Ben oui, et vous? Ben, très, très bien. On est en forme. En forme et heureux de te recevoir pour parler de QTR en spectacle 2013. Ben oui! Oui, et aujourd'hui, on reçoit un autre participant, comme on le fait à tous les jours, et c'est Simon Murray. Au chant. Bonjour, Simon. Salut. Ça va bien? Ben oui, toi. Merci d'être avec nous, ça va très bien. Donc, est-ce que tu peux te présenter ton domaine d'études, ton talent? OK. Ben, je m'appelle Simon Murray. J'étudie en administration, puis j'essaye de chanter le plus possible. Le plus possible, c'est bon. Qui sont tes inspirations? Ben, côté francophone, ce qui tourne beaucoup dans ma radio en ce moment, c'est Christian-Marc Gendron. OK. Pour son piano, puis sa voix. Marc Dupré aussi, puis côté anglophone, plus Stevie Wonder. OK. Ouais. Quand même. Et quelles sont les chansons du répertoire québécois que tu préfères chanter? Ben, comme j'aime Marc Dupré, Christian-Marc Gendron. OK, donc c'est des inspirations et les chansons c'est ça, c'est du monde que j'aime chanter qui m'inspire dans le fond. OK. Est-ce que tu pensais être choisi même si tu venais de te faire enlever les amygdales lors des auditions? Ben, en fait, là, regarde, je te dirais non. J'étais supposé me faire opérer les amygdales deux jours après l'audition. T'sais, c'était comme tout. C'était dans le fond. Okay. Puis ils m'ont appelé à l'hôpital. Puis là, ils m'ont dit ah, il faut que tu te fasses opérer tout de suite, finalement, le médecin. Fait que là, j'arrive là-bas, je parlais comme s'il y avait une patate dans le ventre. C'était pas. Ben, non, je pensais pas être pris. Mais j'ai quand même. J'étais satisfait, mais pas complètement. T'sais. Okay. Est-ce que tu essayais d'imiter la voix en faisant le plus pitié possible pour faire pleurer les juges, c'est ça? Hein? Mais c'est une opération quand même dure. Là, ouais. Fait que juste parler, là, ça faisait comme deux jours où j'avais recommencé à parler comme okay. Il faut. Là, fait que, ouais. Est-ce que tu mangeais des cornets de crème glacée sur le stage? Ouais, j'ai perdu pas mal de livres aussi. Il a fait sa chanson avec son gros foulard. Là, ouais, puis il a fini de chanter et il n'y avait plus de voix après. Non, je sais pas d'où c'est sorti, là, mais il n'y avait plus de voix après. Cher un peu les fesses pour sa certaine note. Wow! Okay. Non. On va aller écouter une de tes pièces ou un extrait. Et après ça, on va revenir avec d'autres questions de la part de Carina, entre autres. Veux-tu que j'explique un peu avant? S'il te plaît, vas-y. Mais dans le fond, c'est une. Parce que je suis en train de faire un album avec un producteur à Trois-Rivières qui s'appelle Guillaume Payet. Puis il est feat avec un rappeur que j'ai rencontré sur le plateau du banquier quand j'étais finaliste l'année passée. T'as été finaliste au banquier? Ben oui, j'étais parmi les 140 qui ont appelé sur 5000. Carrément. Ouais. Bon. Ben on écoute donc, c'est la pièce qui s'appelle « Partir ». On écoute ça à l'Assemblage requis. Parfait. Quand les choses deviennent complexes, que le respect perde sa place, laisse-moi partir. Toujours être là pour lui, malgré ce qu'il a dit, malgré ce qu'il a fait. Plus jamais désormais, tu ouvriras ton cœur. Un homme sans valeur, jamais tu n'auras peur d'un homme. T'en as pris sur tes épaules des tas d'années durant à élever vos enfants, pouvoir enfin crier. Partir, il faut partir, moi ici. La pièce Partir de Simon Murray. Ben oui, parole musique. Parole et musique. On avait d'autres questions, Karina? Ouais, ben justement, c'est en lien un peu avec ça. Tu parles de que tu as fait les auditions du banquier, tout ça. Ouais. Mais tu as fait plusieurs autres concours à ce que j'ai cru comprendre avec les internets. Hey, écoute. Tu peux nous en parler un peu? Depuis que. Avant que je marche, je chantais. Fait que regarde les auditions, là, je cours les concours depuis que je suis tout petit. Stéphane Laporte, là, mettons, pour le Star Academy, La Voix, le banquier, c'est tout lui qui est là, qui fait les pré-auditions à fond. Que je pense qu'il me connaît par cœur. Quand il me voit rentrer, il dit hey, c'est lui encore. Mais pour ouais, je cours les concours. T'as fait Star Academy, t'as fait La Voix, le banquier. Ouais, j'ai été finaliste pour Love Story ici dans le temps. Love Story 4. Puis aussi, j'ai passé à l'émission 0 à 1000, tu sais, avec Maï Paiement. Ouais. L'échelle du talent. Ouais, puis il avait retenu ma prestation pour faire l'annonce pendant les deux années qui ont été à télé, là. Fait que, ouais. Ben, cool. Génial, ça. C'est merveilleux. On continue. Ouais. Ben, on te souhaite de pas lâcher, exactement. Et on te souhaite bonne chance à écouter un spectacle beaucoup. 2013 qui a lieu le 28 février. Mm-hmm. À 19h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Mm-hmm. Et je sais que, il me semble que j'avais retenu la date du 19 février, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ben, je vais commencer aujourd'hui. En fait, on commence la vente officielle de billets avec le kiosque au deuxième étage. Donc, après, là, je m'en vais là. À 9h? Oui. Puis, demain, c'est le barbecue. OK. Et mercredi, c'est la conférence de presse. C'est une belle grosse semaine pour QTR en spectacle. Puis ben, la semaine prochaine, ben, c'est déjà le grand jour. Et oui, on va en reparler à tous les jours ici à Assemblage Requis avec toi, Karina. Merci beaucoup. Et merci à Simon aussi. Ben, merci les gars. Passez une très belle journée tous les deux. Merci. Et nous, on continue en musique avec un petit peu de The Vaccines parce que vous le savez, cette semaine, si vous avez entendu la pub, c'est fou, c'est notre gros spécial 4 beautés du Nil, /4 maudits bons vinyles. Oui. Et Dieu avec ses jeux de mots. Quel bon jeu de mots! Quel jeu m'occident! Et un des CD qu'on va faire tirer, un des vinyles, en fait, ce sera The Vaccines. Donc, on écoute Bad Mood, puis le concours, ben, c'est plus tard dans la semaine. Hein, on dit la semaine du 18 février, donc on sait pas ça va être quand. Peut-être que ça va être jeudi, peut-être mercredi, peut-être mardi. Quand on sera dans le mood. Bah. Moyen. Non, c'est correct. Okay, ouais. Pensable. Vaccines et Bad Mood, un des vinyles qu'on va faire tirer plus tard cette semaine dans notre concours de mots du bon vinyle. Oh! Avec The Neighborhood, Walk the Moon et un paquet d'autres. Maintenant, avec un petit peu de retard, mais légèrement à peine, puis c'est même pas de sa faute, c'est nous autres qui la repoussent comme ça. Hey! Hey, pas fin, hein? Véronique Mire, bon matin. Voilà, hey, j'espère, pas de ma faute, les retards, moi qui est la supposée super mentor en organisation. Hey, ça serait bien le bout. C'est pour ça que je le précisais, là, parce qu'on veut pas te faire une réputation de fille qui dit, qui fait ce que je. Tu sais, fais ce que je dis, pas ce que je fais, ou tu sais, là? Les week-ends seulement. Les week-ends seulement. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Véronique? On va parler de préparation d'examen, hein? On est en plein là-dedans. Ben, en tout cas, ça s'en vient pas mal vite. Plus qu'on pense. Je vais vous donner pas mal de conseils à ce sujet-là. On va voir comment préparer l'étude, des techniques pour mémoriser, autre que juste bourrer le crâne, lire jusqu'à temps que ce soit rentré. Ouais. Idéalement, pour que ça reste après. Bon, c'est ça l'objectif. Puis, on va voir aussi quoi faire en tant que tel à l'examen. Donc, réponse aux différents types de questions, différents types d'examens. Donc, d'abord, les examens, ben, faut se dire, je vais faire tout mon possible pour faire plus que passer. Hein, c'est la base. Tu veux pas juste passer sa fesse. Non, c'est ça. Idéalement, si vous dites, moi, mon but, c'est juste d'avoir la note de passage, ben, c'est peut-être parce que c'est pas nécessairement quelque chose que vous aimez. Hein. Si on se dit, je vais juste passer, bon, la note n'est pas vraiment importante. Il faut se dire qu'à votre formation universitaire, ben, le but, c'est de faire de vous les meilleurs dans votre domaine. Donc, si vous dites à chaque fois, ben, je veux juste passer, la note, ça me dérange pas, qu'est-ce que ça va être quand vous allez travailler? Hein? OK, voilà. C'est fait, la morale est passée. Donc, idéalement, il faudrait commencer à se préparer 2 semaines avant les examens. Ça, c'est un idéal. Si vous vous préparez la veille ou 2 jours avant, ben, dites-vous, je vais commencer 4 jours avant ou 2 jours avant. Doublez le temps que vous passez naturellement à vous préparer pour les examens. Partez pas en peur avec 2 semaines parce que vous allez commencer puis vous allez vous dire « Ah, il me reste une semaine et demie, j'ai le temps. » Puis bon, les vieilles habitudes vont rapidement revenir. Donc, c'est sûr que les examens, ça se prépare tout au long de la session, hein, pas juste pendant les examens en tant que tel. Donc, on a vu ça, ça remonte à il y a 2 semaines, là, la gestion du temps. Mm-hmm. Donc, révision avant et après les cours, c'est là que vous allez voir qu'en fin de session, mi-session, il y a beaucoup moins de temps à passer à étudier en tant que tel. Donc, je vous rappelle qu'on parle d'un 6 heures de travail à la maison en moyenne par cours. Donc, ça fait pas mal d'heures à passer à l'étude. Je vois des petits sourires. Tu vois Jean-Philippe? Ouais. Pas de commentaires, mais non. Des petits sourires. Mais bon. Donc, 6 heures à la maison par cours, c'est une moyenne. Donc, au début de la session, on est 3 heures, c'est normal hein, pendant les 2 premières semaines. En mi-session, fin de session, on parle plutôt d'environ 10 heures de travail par cours par semaine. Donc, c'est une moyenne. Prenez pas trop de cours, parce que sinon vous allez déborder. Non, c'est ça. Chaque fois, ça me fait penser aux pauvres étudiants en chiro ou en podiatrie. Ouais. Ouf, ça, c'est autre chose. Hein? Donc, si vous révisez pas du tout vos cours, vous allez retenir 20% de l'information, ce qui est définitivement pas suffisant pour passer. Si vous étudiez 48 heures après un cours, vous allez retenir la moitié, donc 50%. Puis, une heure à peu près après le cours, vous allez retenir jusqu'à 80% de l'information. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, dites-vous que plus rapidement vous révisez, plus ça va rester. Donc, pour avoir 100%, c'est quoi, t'étudies pendant le cours? Ou? Ben, non. On peut pas faire ça, malheureusement. Mais plus on étudie proche, révision et tout. Puis, le but, c'est toujours de se dire, moi, je dis à mes étudiants, il n'y a jamais personne dans la vie qui nous a dit, pour un examen, il faut étudier assis et en silence. OK. Jamais. Ça, c'est comme une stratégie qu'on... ben pas une stratégie, mais une façon de faire qu'on a naturellement développée ou mise en place. Tu conseilles quoi sinon? Est-ce que tu conseilles de te coucher avec la musique relaxante? Ou... Non plus. En fait, plus on met de sens à contribution. Donc, si vous étudiez debout, à voix haute, en bougeant, en gesticulant, en expliquant à quelqu'un, partager et tout, déjà, le cerveau a beaucoup moins de chances d'être distrait par toutes les pensées parasites. Mm-hmm. Donc, vous êtes beaucoup plus concentré, c'est beaucoup plus stimulant, interactif, etc. Donc, faites votre possible pour vous éviter d'être juste assis et de lire la matière. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ça reste? Si on pouvait avoir nos documents d'études en braille, comme ça, on pourrait toucher aux documents. Ben, un sens de plus. Mais là, il faudrait développer la lecture. Hein? Mm-hmm. Tout bon. En respirant du parfum. Oh, voilà. Du prof. Oui. Tu demandes le parfum de ton prof, t'en mets sur ta... Ça peut être mal interprété. Je pense qu'on va loin. Là. Passons. Donc, 2 semaines avant l'examen, hein, c'est là qu'on met les bouchées doubles ou qu'on devrait commencer à étudier plus en profondeur. Parce que dites-vous que si vous commencez 2 semaines avant un examen, ça fait environ un demi-cours par jour à étudier. Donc, c'est là que vous avez quand même une vie Hein, parce que c'est en mi-session qu'on entend les, les examens. Les étudiants dire « J'ai plus de vie, j'ai plus le temps de rien faire. » Donc, si vous commencez à l'avance, ça vous permet quand même de faire autre chose, de répartir vos heures. Donc, vous pouvez demander toujours au professeur ben, « C'est quoi qui va être à l'examen? » Ça, c'est une chance à prendre. Il y en a des profs qui sont très guidants, là, si on veut, là, qui vont vraiment cibler carrément qu'est-ce qui est à l'examen. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont vous dire « ben tout est à l'examen. » Puis dites-vous toujours qu'ils n'ont pas tort. Hein, parce qu'en même temps, un 15 heures, un 15 cours, 45 heures, ouais, on va y arriver, on va y arriver. 45 heures par session sur une matière, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, ça se peut que tout soit à l'examen. Puis si un prof vous dit ça, c'est à l'examen, ça, ça ne l'est pas, ben prenez pas de chance quand même. Vaut toujours mieux vous assurer au moins d'avoir compris ce qui ne le serait pas. Parce que, bon, ça se peut que le professeur n'ait pas noté qu'il vous a dit que ça, c'est pas à l'examen. Puis qu'il y a une question là-dessus. Donc, vous pouvez le demander ou vous pouvez demander des copies d'examen des sessions précédentes. Ça, ça se fait aussi. Mm-hmm. Mais bon, si c'est pas le même examen qui revient depuis 5 ans, là, sinon, ça se peut qu'ils vous disent non. Donc, quand on commence à étudier, c'est toujours du général au particulier. Donc, regroupez toute la matière à étudier à l'examen. Commencez par une vue d'ensemble, voir bon, c'est quoi l'ampleur de tout ce que j'ai étudié. De quoi je me souviens? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas compris? Hein? Parce que surtout si vous n'avez pas révisé après vos cours, là, ça se peut que vous relisiez vos notes et que vous fassiez « Oh, finalement, ça, je m'en rappelle plus. » Donc là, ben, faut aller chercher des réponses. Hein? Vous pouvez pas commencer à étudier des choses que vous comprenez pas, c'est sûr. Donc, commencez par étudier tout ce qui se fait assez facilement, avec des techniques aussi variées que possible. Comme une technique qui fonctionne très, très bien, c'est les fameuses questions-réponses. Donc, il y a trois façons de faire ça, les questions-réponses. Il y en a qui vont se servir du verso de leur note de cours, puis ils vont s'écrire des questions là-dessus. Donc, quand tu es tanné d'étudier, tu revires tes notes de bord, puis tu étudies à partir des questions. C'est beaucoup plus dynamique, c'est intéressant. On aime ça hein, quand ça fait appel à notre culture, si on veut, nos connaissances qu'on a, plus que juste lire. Donc, il y a ça. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Anki, qui est une application sur les cellulaires intelligents, Android aussi, c'est gratuit, donc qui vous permet de faire un petit programme de révision à un nombre de cartes par jour là, qui vous envoie avec des questions dessus que vous pouvez utiliser. Donc, les questions, ça fonctionne très bien. Et vous avez aussi les petits cartons hein, pour les questions, ben oui, là, parce que j'ai dit qu'il y avait trois méthodes. Puis là, je cherchais la troisième. Donc, voilà, c'est écrit là. Donc, les cartons, ça fonctionne super bien. Quelque chose d'intéressant qu'on a développé cette session, c'est de prendre les cartons puis de les découper pour qu'elles soient à peu près d'un format carte à jouer. OK. Puis vous pouvez les brasser pour les étudier dans le désordre parce qu'on a la très mauvaise habitude d'étudier toujours dans le même ordre. Puis on peut quasiment anticiper qu'est-ce qui s'en vient. Hein? Donc, on n'étudie plus. Donc, le fait de mélanger, justement, pour votre cerveau, ça fait plus un challenge. Vous n'êtes pas trop dans le bourrage de crâne. Et la régurgitation qui s'ensuit, évidemment. Donc, évitez ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Bon, vous pouvez créer des acronymes. Te souviens-tu, à la session dernière, on avait vu l'acronyme pour retenir les 5 grands lacs. Ça remonte, hein? Ça remonte et en effet, non, je m'en souviens pas. Attends un peu. Supérieur... C'était en anglais, en fait. C'est Holmes. Holmes, hein? Donc, Huron, Ontario, Michigan, Érié supérieur. Donc, pour retenir les 5 grands lacs. En ordre en plus, je pense, hein, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Donc, l'acronyme ou l'acrostiche donc, qu'on utilise pour les planètes, entre autres. Mon vieux, tu m'as jeté sur une navette maintenant, pauvre Pluton. Ben oui. Ah. Donc, l'acrostiche qui peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui font ça, hein, faire un mot avec les premières lettres, des trucs à mémoriser, mais des fois, ça donne rien. Ça n'existe pas, le mot. Donc, plutôt que de vous faire plein de « abacacricri » ou de « subitututu », bon, puis ça ne dit plus rien, puis on ne sait plus ce que c'est, vous pouvez prendre plutôt la première lettre de chacun des mots puis vous faire une petite phrase, idéalement comique, que vous allez retenir. Donc, c'est sûr que ça va rester beaucoup plus facilement. Quelque chose qui te donne une image dans la tête, là, que tu vois. Oui. C'est ça. Tout ce que vous avez à étudier, comme les noms, souvent en psychologie, bon, les noms des chercheurs, des théoriciens et tout, ben allez sur Google, tapez le nom de la personne puis regardez de quoi qu'elle a l'air. Ouais. Généralement, les photos, il y a toujours un détail comique ou bizarre qu'on trouve bon dans le visage de la personne. Donc, vous pouvez associer ce détail-là avec son nom. Puis, ça va vous rester beaucoup plus facilement que simplement lire son nom. Hein? Donc, ça fonctionne bien aussi. Quelque chose d'intéressant, vous pouvez utiliser, moi j'appelle ça la constellation d'éléments. Là. Donc, vous prenez une feuille puis vous écrivez tous les mots dont vous vous souvenez que vous venez juste d'étudier, puis vous en pointez au hasard, puis vous dites, bon, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est relié avec tel élément. Bon, là, je fais des signes sur ma feuille, personne ne voit rien. Mais bon, vous écrivez le thème au centre de la feuille, puis vous écrivez tous les mots au hasard dessus. Et ensuite, ben justement, c'est encore dans le même principe que d'étudier dans le désordre. Donc, ça, ça peut être intéressant. Venez me voir si vous avez des questions à ce sujet-là. C'est pas évident à expliquer comme ça à la radio. Ben, il y en a qui vont se faire aussi des schémas très organisés. Les schémas, les tableaux, ça, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi... bon, j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, quelque chose de très intéressant aussi qu'on a découvert cette session. Faites-vous des tables des matières de vos cours. OK. Des fois, il y a des... comme un petit sommaire. Il y a des profs qui vont faire une première diapo sur laquelle il y a tous les éléments qui vont être présentés pendant le cours, mais il y en a d'autres qui le font pas, ça. Donc, vous avez simplement qu'à reprendre les titres de chacune des diapos puis vous faire une table des matières du cours. Bonne idée. Donc, comme ça, vous voyez, ben c'est quoi la logique de tout ça. Donc, voilà. Un coup, vous avez réussi à étudier presque 70 % de vos notes de ces différentes façons-là. Il vous en reste pas beaucoup à simplement gober, si on veut, ou à mémoriser. Et c'est là que vous allez sortir de l'examen, non en vous disant, ben je me rappelle plus de rien. Je me suis vidé la tête. Hein? Ça sert à quoi d'étudier puis de sortir en se disant, je me rappelle plus de rien? Bon. Donc, faites votre possible pour vous en rappeler autant que possible. Possible, possible, possible, possible. mais on peut pas se rappeler de tout, hein, c'est sûr. Mais dites-vous que si déjà vous rappelez de la moitié de ce que vous avez fait à l'université, c'est déjà mieux que le quart. Oui. Donc, voilà. Alors, on étudie, on révise, on se pose des questions. Aussi, comme je vous l'avais dit pour la gestion du temps, un truc qui fonctionne très bien, c'est d'arrêter après une heure d'étude. Donc, évitez d'étudier jusqu'à temps que vous soyez plus capable d'étudier. C'est la pire chose à faire parce que là, votre cerveau, il en a assez. Donc, vous faites une heure d'étude, vous vous demandez, bon, qu'est-ce que je viens d'étudier, de quoi je me souviens. Vous prenez 10-15 minutes de pause, vous recommencez une autre heure, vous faites à peu près 3-4 blocs comme ça, puis après, vous prenez une bonne pause de une heure. Donc, ça vous permet de prendre du temps pour vous. C'est moins long, plus motivant. Donc, voilà pour la façon d'étudier en tant que telle. Tantôt, on va voir quoi faire le jour J. Le jour J de l'examen. toujours avec Véronique Mire du bureau de la réussite étudiante. Pour l'instant, on écoute Olinéa avec l'échiquier. Let's do it. La pièce L'échiquier de Linéa à Assemblage Requis. On est toujours avec Véronique Mire du bureau de la réussite étudiante. Oui, oui, oui. Elle fait des allos comme ça dans Hello. Les Allô! Ça va? Très heureuse. C'est-tu le fun, la musique, assez fou, hein? Moi, j'adore ça. On découvre plein d'affaires. C'est génial. Vraiment. J'espère que les étudiants apprécient. Donc, toujours en train de discuter de préparation aux examens, études aux examens. Donc, maintenant, ben avant la pause musicale, on a parlé de préparation, études. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a jamais personne qui nous a dit qu'il fallait étudier assis en silence, bouger, parler, s'entendre, étudier à voix haute, l'expliquer à quelqu'un d'autre, tout ce qu'on peut concrétiser si on veut. Pour se sortir du bourrage de crâne. Tant qu'à trouver ton cours plate aussi bien emmerder tout le monde autour en leur parlant de ton cours là, plate. Pourquoi pas? <C'est> hein? Donc, à l'arrivée à l'examen en tant que tel, évitez de faire partie de ceux qui arrivent très à l'avance puis qui vont se poser des questions jusqu'à temps que l'examen... La remise en question. Ça stresse. C'est ça, c'est, ça stresse. Parce que là, tu dis, hein, j'ai pas étudié ça, c'est quoi ça déjà? Je retourne voir dans mes notes. Mais vaut mieux arriver 5 minutes en avance, prendre quand même une bonne place, là. Puis écouter de la musique. Ouais. Hmm? OK, écouter de la musique, c'est bon. Écouter de la musique pour se détendre. Parce que rendu là, là même le matin même de l'examen, là, too bad. Hein? Bon, fallait commencer à étudier avant. Si vous étudiez encore le jour même de l'examen, ben dites-vous, c'est tout ça qui va rester le plus dans votre mémoire à court terme. Parce que là, c'est pas rentré dans la long terme. Puis toutes les choses que vous avez essayé d'étudier avant, que vous trouviez importantes, intéressantes, ben risquent d'être effacées par cet effet de stress. Ouais. Voilà. Donc, évitez de faire ça. Bon, là, vous recevez le questionnaire. Premièrement, regardez le prof en avant. Il y en a qui vont se lancer dessus, là, comme des mouettes, hein, vraiment. Là. Mais des fois, le prof va vous dire, surtout pour les examens de comptabilité, administration, bon, faites attention, question numéro 7, il y a une erreur, bon, des choses comme ça. Donc, manquez pas ça. Puis ensuite, allez survoler le questionnaire. Allez survoler l'examen pour voir, bon, c'est quoi les types de questions. Là, c'est un survol et non une lecture d'examen. Juste pour voir le type de question. Est-ce qu'à la fin, il n'y aurait pas une question à 40 % des vrais ou faux, j'aime pas ça. Je vais me débarrasser de ça en premier. Ça va être fait. Bon, un peu pour vous donner une idée. Juste pour voir qu'est-ce qui s'en vient, la longueur de l'examen aussi, un peu pour au niveau du temps, là, voir si vous avez à peut-être gérer ça. En administration, il y a beaucoup d'examens, soit dit en passant, qui sont faits pour ne pas être terminés. Ah, donc, oui. Donc, okay. C'est la performance, là. Mm-hmm. Les étudiants n'ont pas le temps de terminer. C'est pas pour rien que c'est des programmes aussi. Bon, là, on généralise pas, évidemment, là. C'est des programmes où les moyennes sont normalisées, hein, parce que c'est très difficile. Donc, ce sont que les meilleurs, hein, qui restent. Donc, ça vaut la peine de bien faire les exercices et tout, puis de prendre le temps là, de comprendre ce qu'on fait. Donc, vous recevez le questionnaire, faites un survol. D'abord, avant même de commencer à répondre, s'il y a des choses que vous dites, ben là, ça a été vraiment dur à étudier, je veux vraiment être sûr de m'en rappeler. Faites-vous ce que j'appelle le petit coffret de sûreté. Donc, vous retournez votre examen de bord, vous prenez un coin à quelque part dans votre feuille, puis vous écrivez toutes les choses dont vous voulez vous souvenir. Mmh. Les dates, des formules, les noms des personnes, des concepts, des étapes pour telle chose qui ont été plus ardues à rentrer. Ce qui fait que vous prenez le contrôle de la situation. Parce que qu'est-ce qui nous stresse avec un examen, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Hein? Donc, le fait de, avant même de répondre, vous écrivez les trucs les plus importants au verso. Pendant l'examen, si vous stressez puis que vous avez des blancs de mémoire, ben vous pouvez retourner à ça. Donc, il y a beaucoup d'étudiants à qui je dis ça puis qui ont peur de perdre du temps. Ils se disent, ben là, si j'écris tous les points, j'aurai plus le temps de répondre. Perdre du temps, ce serait faire un dessin du professeur qui donne l'examen. Ça, ce serait perdre du temps. Ah oui. Entre autres. Mais si vous dites, ben je me pratique à la maison, par exemple, avant l'examen, là, 2-3 jours avant, vous le faites, vous écrivez sur une feuille les points importants dont vous voulez vous souvenir. Donc, quand vous arrivez à l'examen, ça va prendre 2 minutes, ça va être réglé, puis vous allez être sûr de ne pas oublier les choses que vous trouvez importantes. Donc, d'abord, on commence par répondre aux questions pour lesquelles on a de la facilité. Avant de répondre aux questions, il faut les lire, hein? Pareil, ça aide. Donc, souvent, les étudiants vont se planter parce qu'ils ont mal lu une question, mal compris, ils ont manqué un petit détail. Des fois, c'est la lire plusieurs fois? Oui, ça peut. On peut la lire 2 ou 3 fois, d'aller surligner les mots-clés. Les verbes utilisés, ce qu'on vous demande de décrire, de comparer, d'analyser, de donner un exemple. Bon, c'est toutes des choses qui sont différentes. Puis c'est quoi les concepts clés qui sont là? Mm-hmm. Donc, déjà, pour bien répondre à la question... Voir s'il y a un piège peut-être dans la question aussi, des fois. Faut oui, aussi. Ou une petite précision, comme mm-hmm. on vous demande de calculer quelque chose, mais pour les 6 derniers mois et non pour les 3 derniers mois. Donc l'année, là, ça vient de tout changer. Mm-hmm. Souvent, ben, quand on a bien compris la question, ben, c'est à moitié résolu. Là, ouais. Prenez le temps de bien lire. Vous répondez à tout ce qui se fait facilement. Si vous bloquez trop longtemps, passez à la question suivante. Parce que c'est là que le stress embarque. Donc, tu commences avec ton nom. Là. Ben, ça devrait bien aller. Oui, là, déjà, si vous bloquez là-dessus, là, Pense. Comment regarder clair, vous dites. Pense. Écrivez-le avant l'examen, pas le bien. Donc, puis ensuite, ben, vous revenez évidemment sur les questions pour lesquelles vous n'avez pas pu répondre. Des fois, il vaut toujours mieux essayer quelque chose que de ne rien écrire, à moins que ce soit à correction négative. Mais ça, les professeurs le disent ou c'est écrit dans les consignes d'examen. Donc, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il faut faire attention aux fautes de français dans certains cas, peut-être? Quand c'est indiqué, oui. Okay. Notamment au département des sciences d'éducation, nous, on compte le français aussi. Donc, normal, ouais. Faut se réviser là, quand même après. Puis, ben, vous savez, le petit truc là, de se faire une marque. Si vous hésitez, revenez. Mais il faut toujours prendre le temps à la fin de faire une petite révision. Il y en a beaucoup qui vont finir et sont tannés, ils s'en vont tout de suite. Là. Donc, évitez de faire ça. Des fois que vous auriez justement passé à côté d'un petit mot ou quelque chose d'important. Si on pouvait faire un propre à la fin, s'il y avait un brouillon et un propre transcrit des réponses, là, tout bien écrit droit. Oui, toutes les mots-clés surlignés. Ne donne pas de mauvaise idée, Mathieu. Ça serait long, hein? Ce serait mon genre de faire un propre pour l'examen. Oh! Ben, c'est bien, c'est bien. Je m'applique ça. Ah, ouais. Oh, voilà, c'est beau. Ben, faites attention, petit conseil aussi, évitez de changer une réponse à moins d'être absolument sûr que la nouvelle est la bonne. Souvent, la première réponse que tu as, c'est la meilleure, non? Dans oui. Vie, on dit tout le temps... La première est la bonne, ouais. À moins que vous ayez lu les questions après puis que vous vous rappelez de quelque chose mm-hmm. ou ben, vous avez mal lu la question puis vous vous rendez compte que ben, là, c'était pas la bonne réponse. Sinon, si vous hésitez, là, gardez la première. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour vous éviter d'être frustré. Bon, les types d'examens. Je m'en allais dire, tout le monde a compris? Avez-vous des questions? Réflexe. Ah, on se serait pas gêné. Ouais. Ah, avez-vous des questions? Pas à date. Pas à date. Non, okay. Moi, j'aurais dit... Pssst, pssst, pssst. Elle explique tellement bien, la professeure. Ah, j'essaie. Ben, vous pouvez avoir ce qu'on appelle, vous connaissez ça, des examens allez-vous vers. Oui. Hein, donc, faites attention, tombez pas dans le piège du « Ah, c'est facile, j'ai pas besoin d'étudier. » Ah, oui, oui. Ben, c'est souvent les examens les plus ardus parce qu'on va vous demander d'associer des concepts ensemble que vous n'auriez pas associés en temps normal ou de pousser un petit peu plus loin. Donc, ou non, vous n'avez pas étudié, donc c'est l'avantage. Hein, vous n'avez pas à mémoriser rien. Par contre, il faut tout comprendre. Ça, c'est important. Et surtout, bien ordonner vos notes, vos livres, vous mettre des post-it. Pour vous rapidement repérer la réponse, hein, pour ne pas chercher trop longtemps. C'est là que la table des matières elle devient vraiment utile. Voilà. Oui, ben oui. Et le glossaire du livre. Le oui, glossaire. Aussi, hein? Oui. Ben, créez-en une s'il n'y en a pas. Oui. Donc, je l'ai dit là, tantôt, ça, parce que, on perd du temps à chercher la réponse. Puis, moi, je dis toujours aux étudiants aussi, apportez-vous des post-it de plus pendant les examens pour noter justement les endroits où vous avez trouvé la réponse. Donc, si vous voulez réviser après, vous dites, il me semble, il manque quelque chose, bon, ben vous pouvez rapidement retourner chercher l'information. Donc, c'est des petits trucs faciles. Donc, évidemment qu'il faut vraiment bien lire avant, vous assurer d'avoir tout compris, que ce soit bien ordonné. Puis, sinon, ben c'est pas les examens les plus faciles, détrompez-vous. Les examens de sciences ou de maths, hein, donc en gros, examens de maths, tout est dans la pratique. Hein, c'est des exercices à faire. Évidemment, laissez de côté le corriger, le solutionnaire. C'est souvent le problème. La majorité des étudiants qui ont des problèmes en comptabilité, administration, sciences, parce qu'ils vont tout de suite aller voir dans le solutionnaire quand ils bloquent. Puis là, ils se demandent pourquoi qu'à l'examen, putain, c'est facile quand j'ai fait chez nous, puis j'arrive à l'examen, ça marche pas. Ben là, c'est ça. Donc, évitez d'aller dans le solutionnaire à la moindre embûche, hein, parce que en fait, vous comprenez pas ce que vous faites. C'est comme quand tu as des mots croisés, tu vas voir les réponses. Dans le dictionnaire. Ben là, on va regarder la première lettre. Oui, oui. Si j'en ai un, le long en haut, là, je vais pouvoir répondre à tout le reste. Donc, évitez de faire ça parce qu'en fait, vous développez... Vous développez pas la logique Faut que ça devienne une seconde nature. Faut que ce soit comme naturel que la réponse sorte. Ça. Comprendre qu'est-ce que vous avez à faire. Comprenez vos formules. Comprenez ce qu'on vous demande. Les opérations, c'est quoi? Pourquoi faut faire ça? La logique. Des étapes, pas juste des chiffres. Donc, il faut se réviser pour être sûr de ne pas avoir mal retranscrit un chiffre. Hein. Généralement, c'est une retranscription de lignes de chiffres. Donc, voilà pour les examens de sciences ou de maths. Type de questions pour terminer. Vous avez les choix multiples A, B, C, D. Ça, c'est si on est gentil. Hein? E, F, G, H, I. Et le fameux, toutes ses réponses. Toutes ses réponses, aucune. Toutes sauf E, A et B seulement. Alpha, bon. Beta, Omega, puis il est dans la règle de 28 réponses. Il y en a, là, c'est très ardu. Donc, les fameux choix multiples, hein, pour bien répondre à ça, ben, vous lisez la question, masquez les choix, trouvez la réponse dans votre tête et allez la retrouver dans les choix. Donc, généralement, si vous êtes bien préparé, que vous avez bien étudié, vous ne devriez pas vous retrouver que votre réponse n'est pas là. Ouais. Si votre réponse n'est pas là, c'est parce que vous êtes mal préparé. Donc, si la réponse est là, ça veut dire que c'est la bonne, parce que peut-être qu'il a essayé d'imiter les raisonnements que les gens pourraient avoir, mais qui ne sont pas les bons raisonnements. C'est sûr, parce que les choix multiples, c'est toujours fait pour nous mélanger. Ouais. C'est jamais des trucs très, très, très évidents. Là, hein? Donc, on ne vous donnera jamais, par exemple, dites-moi lequel parmi ceux-là est un chanteur, puis on va vous mettre Brad Pitt en plein milieu des choix là, pour vous mêler. Donc, il n'y aura jamais rien. Très belle voix, ça. Peut-être. Ben, il fait du bon vin, il paraît. Soit dit en passant. Il est tellement surévalué, Brad Pitt. Avec Angelina. Donc, pour les choix multiples, c'est ça, hein, la meilleure façon. C'est sûr que là, ça se peut que ça arrive, que vous n'ayez pas la réponse. Donc là, il faut procéder par élimination. Puis, si vous n'avez vraiment pas la réponse, ben, tentez quelque chose. Ouais. En moins d'une correction négative, encore une fois. Les vrais ou faux, ben là, la lecture de la question est vraiment importante. Est-ce qu'il y a une double négation? Est-ce que c'est pas vrai que ça donne pas ça? C'est pas vrai que jamais telle chose. Ouais. Bon, le fameux toujours. Oh. Oui, mais d'abord, attends. C'est rarement toujours. C'est la plupart du temps. C'est rarement jamais aussi. Hein? Donc, quand on a des mots forts comme ça, faut faire attention. C'est rare que c'est tout à fait vrai. Si on a deux négations en maths, deux moins, ça fait. Un plus. Ouais. Donc, si vous avez une double négation, bravo! Puis multiplié par zéro, ça donne zéro. Une petite étoile la prochaine fois. Un petit collant. Donc, si ça arrive, ben c'est un vrai. Aussi, s'il y a une partie du choix, ben pas du choix, mais de la question qui est fausse, tout est faux. Ouais. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont dire, oui, mais là, ça, c'est vrai, mais ça, c'est faux. Oui, mais c'est faux. Hein? Parce qu'on vous demande, est-ce que c'est vrai ou faux, et non, et où? Hein? Mm-hmm. Donc, souvent, les étudiants vont m'écrire... c'est vrai pour telle raison, mais si on pense à ça, c'est faux. Non, on vous demande est-ce que c'est vrai ou faux, donc on ne prendra pas la partie qui est bonne. Hein? Les questions à développement, bon, ben portez attention aux verbes utilisés, évidemment. Le plan, hein, tu parlais de brouillon, de propre, là, tantôt. Ben là, c'est important de se faire un plan pour les questions à développement parce que vous avez beaucoup d'idées à mettre en place. Vous pouvez demander au prof s'il accepte les points formes, hein, les picots, là, la liste. Plutôt que de faire un texte suivi, hein, des fois, on nous demande, donnez-moi trois exemples de telle chose, mais plutôt que de faire un texte en paragraphe, des fois, on peut faire des picots, points formes, plus... Une liste de points. Etc. Donc, faites d'abord un plan, puis ensuite, écrivez-la directement pour éviter de barrer des choses, de faire des flèches, de rajouter dans la marge, etc. Donc, ça fait beaucoup plus structuré. Donc, tout ceci étant dit, l'examen y est fait. Vous le savez que vous avez fait le maximum. Vous avez étudié assez. Bon, ben c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous améliorer? Ben, est-ce que c'est mes stratégies qui sont pas bonnes? Est-ce que je devrais mettre un petit peu plus de temps? Bon, conseil, allez toujours consulter. Hein? Toujours, je l'ai dit. Donc, si j'avais un vrai ou faux là-dessus, pas la plupart du temps, là, toujours. Toujours consulter votre copie d'examen. Mm-hmm. Que vous ayez une bonne note ou une mauvaise note. Parce que, bon, si vous avez eu une bonne note, par exemple, pour les maths, c'est bon de savoir que le prof vous a donné des points pour la démarche. Hein, moi, je suis bien gestuelle. Pas juste pour la réponse. Non, pas juste pour la réponse, mais aussi pour l'explication. Pour la démarche, hein. Donc, si vous avez eu beaucoup de points, mais que vous n'avez jamais la bonne réponse, parce qu'il vous manque un petit bout à la fin, c'est bon à savoir. Oui. Donc, vous n'avez pas eu des points parce que vous avez eu les bonnes réponses, mais parce que vous aviez la bonne démarche. Vous savez sur quoi travailler, peut-être genre trouver la bonne réponse. Ben oui, c'est ça. Ou ben, si vous n'avez pas eu une bonne note pour savoir ben qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment le professeur corrige, bref, pour pouvoir vous améliorer. Pour être dans sa tête. Pour la suite. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Merci beaucoup, Véronique Mire. Ben, ça me fait plaisir. On te retrouve dans un mois, genre. Moi, hein? C'est loin, c'est loin, c'est loin. Parce qu'on va peut-être être en T-shirt, puis j'attends le moment, là, ça paraît-tu? J'ai hâte. On va être au mois de mars. Oui, c'est ça, parce que là, on saute. Évidemment, t'es pas là le 25 parce que t'es aux deux semaines. Le 4, ça va être la semaine de relâche. Et ça va aller au 18. 18? Oh, ouais, on va être dépassé la Saint-Patrick. Oui, on dit la dépasser ma fête. C'est ta fête? 17 mars. Le 17 mars. Saint-Patrick, c'est en deuxième place. Oh. Donc, à la prochaine. Merci. Ben oui, bonne journée. Dans quelques minutes, on reçoit Alexandra Carignan et sa chronique Le Temps d'une culture. Pour l'instant, on écoute Tremblay. Voici, c'est quoi la pièce déjà? Marie Plastique. Ah, on retourne en arrière, c'est une bonne pièce. Marie Plastique. Assemblage requis. C'est la chronique art et spectacle avec Alexandra Carignan. Wiki Wiki, c'est ça que tu faisais? Zwicky Zwicky. Zwicky Zwicky. Hey, il est à toutes les sauces, Alexandre Ramis Wiki. Il pourrait devenir notre mascotte. Oh! Ça, ça s'est jamais fait, ça. Ouh! Ouais, on revient. Le plan de demain. Laisse faire. Ah, pause. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain. à Assemblage Requis. Oh, qu'on a une belle émission pour vous demain. Laurie Gauvin sera là pour sa chronique mensuelle musicale. Ensuite, Michel Lebrun, sa chronique panier à salade en juridique. Et on raccueille. Il est en fin de retour, Kiwan la Liberté, avec sa chronique Kiwan en cavale. C'est demain à 7h à Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage Requis et vous aimez ça. Oui, il est 8h48, très, très, très tard, mais vous l'entendez, elle s'en vient. Elle arrive de loin et pas en forme. Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Bon matin, Alexandra! Allô! Allô! Allô! J'ai un petit peu moins d'énergie qu'avant. Mais c'est pas grave, on t'apprécie tout autant, hein, quand même. Mais oui, c'est ça, je suis là pareil, puis je vais faire comme d'habitude des bonnes chroniques, tu sais. Ça n'a pas le choix, c'est Alexandra, elle est un gage de qualité elle-même. Exactement, elle-même. Donc je vais quand même... j'étais juste comme pas aussi énergique que les semaines dernières, là, particulièrement les semaines dernières. J'entendais ma chanson et ça allait bien. Mais là, ça l'a même pas réussi à me donner un petit peu d'énergie. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a plein de choses qui se passent à Trois-Rivières et c'est le fun. Ça compense. Ça compense. Puis c'est peut-être pour ça que je suis tout le temps fatiguée, c'est parce que je suis partout en même temps. Tu cours trop, tu t'en mets trop ses épaules, Alex. J'étais d'ailleurs, pour faire mon plan de ma chronique, il va y avoir deux volets. Je dis tout le temps. Il va y avoir le volet improvisation et le volet spectacle. Mais genre, has-been spectacle. Pas à venir. Donc, je vais me faire chier en faisant la chronique d'un spectacle qui était sublime. Que vous avez manqué, bande de caves, c'est ça? Exactement. Alors, ça va être ça. Alors, premièrement, en improvisation, eh bien, il y a deux semaines de cela, donc le 4, 5, 6 février. Ça semble loin, mais ça s'est passé et c'est intense. Rien de moins que la Coupe Trois-Rivières, qui est en fait une espèce de tournoi que toutes les ligues, mettons, majeures d'improvisation, parce que celle du cégep n'est pas dedans. Mais bien, les ligues se disputent pour savoir laquelle est la meilleure ligue à Trois-Rivières. Le tout a débuté il y a 3 ans. Le but, c'était vraiment de savoir qui était le meilleur pour que celui qui gagne puisse dire aux autres, c'est moi. Pour se vanter. C'est vraiment juste ça le but, il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas essayer de chercher plus loin. Et d'ailleurs, à la base, c'était seulement entre la Luître et la LIM, donc la Ligue d'improvisation de Mauricienne, et la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. C'était entre ces deux-là au début. L'année dernière, ils ont incorporé les anciens combattants, qui n'est pas nécessairement une ligue, mais en fait, c'est comme tous les vieux loups de la LIM qui se sont fait une équipe. Pas mal juste la LIM. Il n'y a personne qui était dans la Luître avant parce que ça n'existe pas depuis énormément longtemps, c'est ça? Ben, la Luître, ça fait quand même longtemps qu'on est là. C'est d'ailleurs Mario Jean qui a fondé ça. C'est vrai, j'ai vu les photos. Ouais. Mais en fait, c'est que normalement, quand tu es à la Luître et que tu restes à Trois-Rivières, tu finis à la LIM. Ouais. Tu gradues, si on veut, ça, à la LIM. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme ça que les joueurs le voient. Oui. C'est ce que j'ai vu, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu comme un coche au-dessus, un peu plus différent. Hein? Parce qu'en fait, c'est ça, la Luître, c'est un jeu qui est très, très de bord. Donc, on va faire des gags. Le monde boive de la bière, va se faire rire, va se faire parler de tonton, des trucs de même. C'est ça. Mais j'enlève rien au public. La Luître, là, j'aime ça jouer là. Donc, je fais partie. Maintenant, je vais plus loin qu'avant. Mais c'est un public un peu plus ludique. Tandis qu'à la LIM, surtout avec le virement qu'on a eu cette année, hein, d'avoir une scène plus sobre, ben, ça fait des spectacles qui sont un peu plus théâtraux. Donc, théâtraux. Ça fait plus théâtre. Il y a plus de théâtre, exactement. Mais c'est plus classe, là. Tu sais, c'est plus le concept de hockey. Oui, c'est ça. C'est plus classe. Là, il y avait des points à chaque impro, ouais. Mais le but, c'est que tu votes à la fin de la période pour dire laquelle équipe s'est démarquée le plus. Okay. Fait que c'est ça, c'est quand même très intéressant comme jeu. Et les anciens combattants, eux, c'est un peu un melting pot, mais c'est souvent très théâtral. D'ailleurs, la majorité des personnes qui sont là-dedans font partie du théâtre, des gens de la place, mm-hmm. Donc sont bien incorporés dans le milieu. Donc, ça fait quand même une improvisation qui... une coupe qui, chaque soir, présente différentes improvisations. Parce que la coupe se passe sur 3 soirs, lundi, mardi, mercredi, et chaque journée, l'équipe hôte, donc celle qui reçoit, va jouer deux fois. Donc, 2 mini-matchs d'1 heure. Je sais pas si c'est clair, j'ai de la misère à l'expliquer. Oui, oui. Mais bref, c'est comme la huître a reçu pendant la première heure la lime, pendant la deuxième heure les anciens combattants. Le mardi, c'est la lime qui a reçu pendant la première heure les anciens combattants, la deuxième, la huître, et ainsi de suite jusqu'à Vitam et Dernam. Oui, bref, si on veut. Pour avoir, bon, pour faire un petit... parce que l'on se demande, mais là, c'est qui a gagné? Ouais, un récapitulatif. Écoutez, la huître s'est très bien démarquée. Elle a gagné tous ses matchs, sauf un. Donc, soit mercredi contre les anciens combattants, elle s'est fait lessiver. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a 6 improvisations. C'est facile de se faire lessiver avec 6. On a perdu 4-2. 2-4, pardon. Alors, on a perdu, hein, solide. Mais, écoutez, on n'a pas eu la coupe pareil. Parce que là, la twist... C'est que même si la lime a seulement eu 2 victoires et non pas 3 comme la huître, eh bien, ses victoires, elle les a eues plus à côté. Et c'est le nombre de points au final qui compte. Okay. Donc, la lime a été égalisée la huître. Et lorsqu'on égalise, on prend en compte les pénalités. Oh. Et la huître en avait eu une de plus. Ouais, mais les pénalités, à ce que j'ai vu dans les matchs de la huître à la Chasse-Galerie, entre autres, c'est qu'ils sont faciles à donner pour des raisons un petit peu, n'importe quoi. C'est rien pour faire, comme pour déranger, pour le voir, show. Pour le show. Nous autres, on avait mérité nos deux. Okay. La lime, je me rappelle plus, il y en a une que j'étais pas là quand ils l'ont reçue. Mais l'affaire, c'est que la lime avait reçu une pénalité le lundi, mais ça l'était fait retirer par l'arbitre. Hein? C'est arrangé avec le gars des... Plus pour le show, en fait, là, parce que le public était là... Puis que l'arbitre a fait « OK, c'est beau, je retire ma pénalité. Okay. » Ça, ça le fait ce que la lime a gagné, parce que sinon, on aurait été en égalité de pénalité. Là, ça aurait fait quoi, en égalité de pénalité? Je pense soit qu'on aurait vérifié le nombre de victoires, donc on aurait gagné, ou qu'on aurait été en fusillade. Ah, un dernier match, genre le gagnant gagne tout. Mais fait que c'est ça. Mais c'est quand même... Fait que la lime a gagné au final. Félicitations, la lime. Bravo. Mais la huître s'est très bien démarquée. Elle a cassé la gueule la majorité du temps. C'était beau à voir. Les anciens combattants finissent derniers, là. Oui. Dommage. Ancien. C'est eux qui avaient gagné l'année dernière. Ah oui, OK, bon. D'ailleurs, la huître est la seule à battre à pas avoir gagné la coupe. Triste, triste, triste. Je sais que jeudi, il y avait un match bonus avec, justement, les jeunes du cégep. Oui, exactement. Les gagnants de... Je soupçonne les anciens combattants de ne pas avoir gagné parce qu'ils voulaient pas jouer jeudi. Ah. Mais bon, c'était... Moi, c'est ce que je dis. Okay. Mais bon, c'est entre vous autres. Accusation, moi, ouais. Alors, je les aime pareil. Mais c'est ça, en fait, le jeudi, les SCABs, on jouait contre les vainqueurs. Donc, c'était un petit match amical. D'ailleurs, la lime a perdu. Ah, bon. En fusillade, là, mais c'est pas... Alors, c'était la Coupe Trois-Rivières, les grands gagnants, la lime qu'on peut voir tous les mardis dès 20h à la salle de Louis-Philippe Poisson. Si vous aimez la huître, vous allez aussi aimer la lime. C'est majoritairement les mêmes joueurs qui tournent autour de ça. C'est très différent de lundi, attendez-vous pas à... Il y a de la bière pareil, mais c'est ça, c'est pas pareil. Ça vaut la peine quand même. D'accord. Et bon, c'était pas mal ça pour la Ligue Improvisation. Maintenant, le volet spectacle. En fait, le 7 février dernier, il y avait la belle Amélie qui était en spectacle à Trois-Rivières. Si vous ne connaissez pas Amélie, c'est que vous vous rendez pas compte parce que ses chansons, vous les avez entendues. Mes oreilles, il y a plusieurs années, qui sont sorties, qui est sortie et qui a fait un grand hit. Mais aussi Les Filles, qui est sortie cet été, qui a joué pas mal partout. Elle est magnifique, auteur, compositeur, interprète. C'est son deuxième album qu'elle a lancé, Le Royaume, et c'est ce pourquoi elle était en tournée. Amélie, ça va être... c'est deux univers complètement différents quand on regarde ses albums. Le premier est beaucoup plus acoustique, phase normale. Tandis que le deuxième, Le Royaume, qui est produit par Antoine Graton, d'ailleurs, est très énergique, a vraiment là, un espèce de piquant que le premier n'avait pas. Mais moi, j'aime les deux pareils. Je n'ai pas de différence. Mais il y a vraiment quelque chose qui était très énergique. Et là, en spectacle, c'était une formule, disons, simpliste. Donc, elle, Antoine Graton et sa violoncelliste. Et pourtant, là, ça l'a tellement bien été. C'était bon, là. C'était débile. Et d'ailleurs, on a eu une première partie qui en valait vraiment la peine, soit sa violoncelliste et son copain. Pas à elle, mais à la violoncelliste. Donc, Miel et Francis Faubert. C'était sublime. Donc, comme première partie, alors qu'on n'était pas censé avoir de première partie, ça a été vraiment une très belle surprise. Le fait qu'Antoine Graton aussi a été une belle surprise. Moi, je suis une grande fan d'Antoine. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui, Mélissa Beaupré, oui, qui était une ancienne journaliste. Et co-animatrice du Boudoir. Oui, co-animatrice du Boudoir aussi. Ne pensez pas venir voir Amélie jusqu'à temps qu'elle croise dans la rue Antoine Graton, elle a fait « Oh mon Dieu, elle a fait 1 plus 1. » Elle a fait « C'est clair qu'il est là ce soir, je vais y aller finalement. » Alors, elle est venue aussi. Alors, c'était superbe. Un beau trio. Amélie a une belle voix, donc en spectacle, c'est sûr qu'on n'est jamais déçu parce que sa performance, elle est belle. Et d'ailleurs, elle a joué plusieurs chansons de son futur album, ce qui était très intéressant, des chansons qu'on n'a jamais entendues. Elle a aussi revisité ses anciens hits, particulièrement La Fuite de l'Autruche, qui est une de mes chansons préférées. Et elle a comme mis un espèce de couplet rap dedans. Ça valait la peine. Mmh. Alors, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, on va aller écouter une chanson, justement, d'Amélie. C'est, on va l'écouter comme une reine. Caché derrière mon sourire, derrière tout mon calme, il y a une bouse de larmes et le poison de la rage. J'entends pas bien mon cœur dans le fracas. D'Amélie, c'était en fait pour la chronique concernant son spectacle qu'elle a fait le 7 février dernier à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est vraiment des bons spectacles dans cette salle-là, ça vaut la peine d'aller voir. Il y en a plusieurs qui s'en viennent, dont les Sœurs Boulay, je ne sais pas si vous les connaissez, oui. Mais c'est sublime. On n'a pas reçu leur CD encore à elles, tout le monde en parle. Hein? C'est dommage, elles sont vraiment bonnes, elles vont être à la salle Louis-Philippe Poisson. Et ce qui est le fun avec la salle Louis-Philippe Poisson, c'est que ce n'est pas cher. Donc, des spectacles d'une quinzaine de dollars. Des bons rabais étudiants, d'ailleurs. 15% rabais étudiants, Maison de la culture, ça vaut la peine. Alors, je vous invite à aller visiter le site enspectacle.ca. Pardon, j'ai eu comme un petit de buzz. Enspectacle.ca pour en savoir un petit peu plus. Et ce soir, si vous ne faites rien, eh bien, sachez que c'est la Ligue d'improvisation de Trois-Rivières universitaires, qui va jouer donc la Luître ce soir, 20h à la Chasse-Galerie. Ce sont les Rouges contre les Oranges. Est-ce que tu joues ce soir? Oui. Oui, d'accord. Oui, je joue. On te suit. D'accord. Yay! Yay! Et on rappelle encore une fois, la Lime, c'est demain soir. Oui, donc la Lime, le mardi à 20h à la salle Philippe Poisson. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup, Alexandra Carignan. Ben, merci à vous. À la semaine prochaine. Oui. Prompt rétablissement, encore. Je vous dis à chaque semaine, on dirait, mais c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. C'est les lundis à 8h30. On va se quitter ici, Jean-Philippe. Non. C'est l'arrêt prescrit par la loi. Il est 9h03. Donc, on se retrouve demain. Et demain, à l'émission, on a un plan assez particulier parce qu'on raccueille du monde qu'on a perdu depuis un bout de temps. Ben oui, t'as pas fait le plan? Oui, je l'ai fait tantôt. Non. Oui. Oh, je suis déstabilisé. Non, je l'ai fait. J'ai dit le Rigovin, Kiwan, tout ça, je l'ai fait en nombre. Ah, je sais plus. En tout cas, bref. Je louche. Qu'est-ce qu'on a demain? Le Rigovin et sa chronique musicale mensuelle. Oui, je me rappelle l'avoir fait. Sa chronique musicale mensuelle qui va nous parler donc de musique. Ensuite, à 8h, Michel Lebrun, chronique panier à salade, chronique juridique. Et finalement, le retour de Kiwan, l'ancien co-animateur d'Assemblage Requis qui faisait des chroniques Kiwan en cavale il y a quelques temps. Il avait lâché. Il est de retour. Il va être les mardis à 8h40-45 environ, aux deux semaines. T'as tellement raison, tu l'as fait. Je m'excuse, Mathieu. Ben, tu vois? Tu vois? Je devais être en train de me moucher. Je me pensais fou raide, là, moi. Alors, merci Véronique Mire, Alexandra Carignan, Simon Fitzbé qui n'était pas avec nous mais qui nous a envoyé des pièces et un texte, donc on l'apprécie. Karina Tardy, Simon Murray, du QTR en spectacle. Et puis, c'est ça. Vous d'avoir écouté, toi Jean-Philippe. Et toi Mathieu. Merci. On se voit demain. On se voit demain. Ben, on se voit. Toi puis moi, mais c'est les ça. Autres, on s'entend. On s'entend là-dessus. On s'entend. On se quitte avec Black Paper Horse de Machine Gun Susie. Je sais qu'Alexandra aime Machine Gun Susie. Oui, c'est bon ça. Je te la dédie. Ce cheval noir de papier. Bonne journée. Là. Ouais. Allez, à demain. Into this buttery night, into this